Fumo questo blunt, faccio questa hit, scopo questa bitch, mi sveglio e repeat. Fumo questo blunt, faccio questa hit, scopo questa bitch, mi sveglio e repeat. Fumo questo blunt, sdraiato in studio, seguo il mio sogno, ho lasciato gli studi. La fiamma del mio joint mi illumina in questo buio. Con guapo in mano sopra il beat, sai chi è il boss? Bitch, con guapo in mano sopra il beat, sai chi è il boss? Bitch, tu la pines maintenant qu'elle a fait du fitness. La peau fine, j'apporte du lourd, tu rappes et c'est vite F. Nous c'est durable, c'est la finesse, mais ton doigt. On a préféré le discret, tu m'as dit ouais c'est pas bien joué. J'écris plus qu'un élève à la fac, bientôt naufrage, 11 ans à la Fnac. Nos rap classique dans 10 ans épique, même en déduisant que c'est dur en ligne, en conduisant la procédure fait rire pas mal d'équipes. Ma réplique c'est la casse dédiée aux potes masse, mais yep, j'entasse les sons pétasse facile. Ta réplique on va pas se plier aux ordres. Tu peux tenter, rien ne fait peur, j'annonce d'entrée. Ils ont essayé d'enterrer le clan, Nina de gober le clan. Juste en sourire en quoi quand je vois Spala nous passer devant. Maintenant tu veux mon équipe dans ta ressoir. Moi je veux juste me servir de ta go comme un accessoire. Petit frère me tape pas dans la CC, mais je suis cap, c'est dans le jardin tu fais pousser Sensi. Je suis tout pété dans le secteur, je roule à terre, je peux tu là, je fais des doigts à l'inspecteur.